Guten Tag und willkommen. Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez sans doute, l'allemand appartient à la famille des langues germaniques, dont fait aussi partie l'anglais. En ce qui concerne la prononciation, mis à part quelques sons spécifiques dont je parlerai un peu plus tard, vous verrez que la plupart des consonnes L, M, N, R, T se prononcent comme en français. Ah, deux différences à signaler. Tout à l'heure, je vous ai salué en disant « Willkommen ». Bienvenue. Willkommen s'écrit W-I-2-L-K-O-2-M-E-N. Willkommen. En allemand, le W se prononce en effet comme un V français. Willkommen. Bienvenue. Willkommen. Quant au V, il se prononce comme un F. Par exemple, le mot von, qui veut dire de, s'écrit V-O-N. Von, de. La plupart du temps, G se prononce G, comme dans gâteau. Par exemple, bon, bien, en allemand, se dit gut. Ça s'écrit G-U-T. Gut, bon, bien, gut. Et c'est bien, cela est bien, se dit es ist gut. Es ist, cela est, c'est. Avec cela, s, on a une terminaison en t. Ist, es ist. Et comme nous le verrons, on va retrouver cette terminaison t avec il ou elle. Par exemple, er geht, il va. Donc, es ist signifie cela est, c'est. Alors, c'est bien. Comment diriez-vous c'est bien? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Oui, en allemand, toutes les consonnes, tous les sons sont prononcés clairement. On doit donc bien entendre le T final. Es ist gut. Es ist gut. T. Encore une fois. Es ist gut. Es ist gut. Et maintenant, à vous. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Oui, gut, qui s'écrit G-U-T. Le U allemand se prononce toujours OU. Encore une fois, c'est bien. Es ist gut. Bien. Es ist gut. Donc, la plupart du temps, le G allemand se prononce G, sauf lorsqu'il est en fin de mot. Si G est en fin de mot, il se prononce alors comme un K. Par exemple, dans Guten Tag, qui signifie bonjour, Tag veut dire jour, et ça s'écrit T-A-G, Tag. Comment dit-on jour en allemand? Tag. Tag. On entend un K, mais en réalité, c'est un G à la fin du mot. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu des verbes. En allemand, l'infinitif des verbes, c'est-à-dire la forme du verbe que l'on trouve dans le dictionnaire, finit toujours par « n ». La plupart du temps, la terminaison de l'infinitif est « en », prononcé « n », comme dans le verbe boire « trinken ». En français, « trinken » a donné « trinquer ». Alors, comment dit-on « boire » en allemand ? Trinken. Trinken. À l'oral, les mots allemands sont souvent accentués sur la première syllabe. Ils peuvent être accentués sur d'autres syllabes, mais généralement pas la dernière comme c'est le cas en français. Donc on dit trinken. Trinken, c'est boire. Là, l'allemand est plus facile que le français, puisqu'en français, l'infinitif des verbes peut avoir des terminaisons différentes. ER comme dans manger, IR comme dans venir, etc. En allemand, les verbes à l'infinitif finissent tous par N, et la plupart d'entre eux par EN. Trinken, c'est l'infinitif, c'est-à-dire la forme du verbe que l'on trouve dans les dictionnaires. Maintenant, adressons-nous à quelqu'un que nous vous voyons et demandons-lui s'il veut quelque chose. Voulez-vous? En allemand, voulez-vous se dit wollen Sie? Wollen, c'est le verbe vouloir. Wollen exprime donc la volonté. Ça s'écrit W-O-2-L-E-N. Encore une fois, le W allemand se prononce comme un V français. Wollen Sie? Voulez-vous? Sie, S majuscule IE, signifie vous. Il est employé pour parler à une ou plusieurs personnes que l'on vous voit. Wollen Sie? C'est donc voulez-vous? Comme en français, lorsque vous posez une question, vous inversez les deux mots vous voulez, Sie wollen, voulez-vous, wollen Sie? À vous. Comment dit-on voulez-vous? Wollen Sie? Wollen Sie? Oui, ça veut donc dire voulez-vous?